c'est la chaîne de télévision, le canal Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de budget pour faire des émissions sur les mystères de la vie, les meurtres, c'est les cas de d'abus, des trucs comme ça. Donc le canal s'est lancé à faire un documentaire. Ils se sont entêtés à faire un documentaire sur Assemblage requis pour la 500e qui a lieu demain. Nous, c'est la 499e émission. Donc, c'est ce qu'on vous présente à l'instant, leur documentaire sorti des archives du canal Nous désirons avertir nos téléspectateurs que le film qui suit ne peut être vu que par des personnes âgées de 13 ans et plus. Il est l'homme avec qui personne ne semble s'entendre. Coup sur coup, chaque personne avec qui il anime le quitte. Quelles sont les raisons? Drogue, alcool, non. Jeu de mots douteux. Sa dépendance sera sa déchéance. Il dit que son but est de rendre la masturbation moins tabou. Il veut qu'on traite ce hobby-là comme un vrai sport. Là, c'est là que l'opinion diverge. Ouais, un petit peu. Diverge! J'ai diverge, François! Un panda, hein? Ça a l'air super gentil, là, mais ce qui paraît, c'est très, très, très méchant. Pendant ce temps-là. Le plus gros party spaghetti au Québec. Parmesan pas! Parmesan pas! Assemblage requis, un malaise si proche. L'émission commence son histoire sous le nom beaucoup trop long de Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. Déjà un duo connu assez fou puisqu'ils co-animaient les palmarès C'est fou depuis plusieurs mois, Kiwan Rykovchinski et Mathieu Plante commencent subtilement leur animation quotidienne ensemble. Ayant clairement besoin de pratique, deux émissions pilotes sont nécessaires. Ils animent alors deux rendez-vous furtifs les 26 et 27 août 2009. Ouais, c'est de la belle ouvrage, ça. C'est un maudit beau carrousel. Ben, c'était supposé être un pouf. T'as-tu vraiment suivi le plan? Le plan? Ben oui, ça dit assemblage requis. Oh! Oh! Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Et bonjour, vous êtes assez fou 89.1 FM. Je m'appelle Mathieu Plante. Et mon nom est Kiwan et on est ici aujourd'hui finalement pour passer de la musique, pour passer de l'excellente musique dans les deux prochaines heures, mais aussi la raison particulière pour laquelle on est ici, c'est qu'on veut parler des nouvelles émissions qui vont entrer en ondes à partir du 8 septembre prochain. Oui, dès le 8 septembre, vous allez avoir la chance d'entendre trois nouvelles émissions sur nos ondes, le matin, le midi et l'après-midi. On va parler en grand détail pendant les prochaines heures, mais nous, Kiwan et Mathieu, on va animer ici de 15h à 17h, dans les heures que vous êtes en ce moment-là. Exactement, on peut presque considérer que c'est une pratique présentement. Mais entre guillemets, parce que nous, on n'a pas besoin de pratique, évidemment. Il va en avoir d'autres, des émissions quotidiennes comme ça. Il va en avoir une le matin, ça va être la pilule du lendemain, de 7h à 9h. Il va y avoir aussi de 11h à 13h le dîner de con. Et voilà. Dit en cœur, comme ça, c'est encore mieux. Vous allez vraiment aimer ces deux émissions-là et la nôtre aussi. Kiwan et Mathieu, Assemblage requis, débute officiellement dans sa case originale du Retour à la maison de 15h à 17h le lundi 31 août 2009. Quelques chroniqueurs importants ont débuté au cours de la première année. François Landry avec la chronique politique Logocratie 101. Simon Fitzbay avec Paul is Dead, chronique sur les mythes du rock, puis Phénomène sur des éléments importants de l'histoire du rock. Sébastien Dulude avec un segment sur les sorties culturelles Va voir ailleurs si j'y suis. Puis, des éditoriaux culturels Va voir ailleurs j'y suis. Maxime Lemieux-Laramé avec Télécharge quoi, chronique sur la musique disponible sur Internet. Émilie Gauthier avec une chronique plein air Veux-tu sortir avec moi? Et Stéphanie Gagné avec, entre autres, Ton plat favori, une chronique coup de cœur. Deux chroniques humoristiques sont aussi présentes. Celle de la troupe Les Incorrigibles et celle du duo Vidon Ladon la question. Beaucoup de gens, beaucoup de noms, mais aussi beaucoup de longueur dans l'animation et de blagues à double sens dont les deux sens n'ont aucun sens. La saison se termine sur un suspense. Kiwan s'en sortira-t-il vivant? Alors moi, c'est ça. Fait que là, j'ai fait une console avec une vieille sécheuse, puis j'ai branché ça sur l'alternateur de mon auto, puis j'ai fait des écouteurs en noix de coco. Il manquait que le micro, là. Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, pour la nouvelle émission, là, Assemblage requis. Ben, Assemblage requis, c'est une expression, là. Le studio est fourni. Oh! Oh! Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Mmh. Le plan aujourd'hui pour cette première émission d'Assemblage requis. Notre chroniqueur François Landry vient nous parler d'actualité politique et un résumé des gadgets les plus utiles ou ridicules dans la capsule CNX. Assemblage requis, ça commence là. Et bonjour et bienvenue à cette toute première émission d'Assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Kiwan. Salut Matt. Salut Kiwan. On t'appelle qui? Qui? Qui? Ben Kiwan, voyons. Et bienvenue à cette première émission, tout le monde. Bienvenue à Assemblage requis, notre émission du retour à C'est fou. Oui, c'est la toute première aujourd'hui. On étreint notre nouveau thème musical qu'on avait donc hâte d'essayer puis de jouer. Ben, c'est fait. C'est l'heure de recevoir notre premier invité de la série Assemblage requis. Et ça va être quelque chose. On va parler de politique. Et Kiwan et moi, on n'est pas super renseignés en politique, disons. On est un peu néophytes, mais on est très intéressés par contre. Ouais, donc François Landry, bonjour. Bonjour, vous deux. Bonjour. Oui, de la politique. comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique, à la chose politique. Et pourtant, année après année, on va en élection. Juste cet automne, une élection assurée au municipal et probablement aussi au fédéral. Donc, on n'a pas le choix de vivre avec la politique. Donc, faut aimer la politique. On n'a pas le choix. Et Simon Fidibé, on est très, très heureux de le recevoir pour sa chronique Paul is dead. Bonjour. Bonjour. Salut, Simon. Bonjour, les Hirondelles. Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Cette chanson-là me revient tout le temps. C'est tellement typique au rock. Hein? Bonjour, les Hirondelles. T'as une chanson thème, je vais la mettre. Je pense que ce serait là qu'on la mettrait. Hein? Oui, ça serait une bonne idée. Ce serait une très, très bonne idée de ma part. J'espère que ça sonne. C'est super, ça. Le thème de Dr. Who, version années 80. Que de souvenirs de différentes chaînes nerd. Ouais, exactement. Je me cherchais quelque chose un peu de mystique, vu que je vais parler un peu des légendes urbaines, de morts, de gens qui seraient pas morts finalement. Et maintenant, c'est le moment de recevoir Sébastien Dulude pour sa chronique Va voir ailleurs si j'y suis. Oui! Wow, Sébastien! Bonjour les gars, Kiwan, Mathieu, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Bonjour super. Tout le monde. Bienvenue à toi ici. Ça me fait plaisir. Donc, ce qu'on entendait, c'est un petit groupe norvégien qui font de la musique Oompa, le style Brahaus allemande, mais en norvégien. Ça me plaît beaucoup, le Oompa. Ils ont quand même des inspirations nord-américaines. Je les soupçonne d'avoir quelques inspirations, là. Oui, c'est un band de reprises, j'ai oublié de mentionner. Oui, reprises surprenantes. On parle de sortie culturelle à mon topo qui s'appelle Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai envie de parler de sorties moins médiatisées, pas nécessairement non plus à Trois-Rivières ou en Mauricie, ça peut être à l'extérieur. Après deux sessions d'animation aux côtés de Mathieu, Kiwa n'en peut plus et quitte l'émission pour refaire sa vie en Alberta. Il reviendra plus tard avec une chronique sur la musique canadienne, Kiwan en cavale. À l'été 2010, pour la première fois, Assemblage requis et les palmarès C'est fou fusionnent temporairement. Ce concept deviendra une tradition. Stéphanie Gagné conserve son poste de co-animatrice au palmarès et anime Assemblage requis l'été avec Mathieu Plante. Mathieu, petite question? Juste moi, tu travailles sur des choses de plus en plus ridicules à chaque fois que je passe te voir. Ben là, t'as le droit de pas aimer ça, mais un peu de respect quand même, c'est ma passion, bricoler. Ouais, excuse. Fait que c'est supposé être quoi exactement? Hey, c'est clairement un simulateur de vol d'oiseau, là. Dis-moi pas que tu vois pas ça. OK, puis le malaxeur et le sabre laser, c'est pour faire quoi déjà? Oh, Kiwan avait raison. Je pense vraiment que t'as besoin d'aide. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Gagné, remplaçante de Kiwan. Ben oui, j'allais te demander, mais t'es qui toi déjà? Eh oui, Kiwan est rendu avec une voix très féminine. Ça y fait bien en tout cas. Ah, j'espère. Tout te va à merveille, Kiwan. Je peux-tu taper Kiwan pour le reste de la session, juste pour le fun? Ah, ben oui, pourquoi pas. Gardez l'habitude. L'élève ayant assez facilement dépassé le maître, Stéphanie Gagné s'enfuit pour l'Ontario, où elle étudie pour devenir animatrice radio. Au retour, après s'être fait délaisser une fois de trop, Mathieu plonge dans une dépression insurmontable. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui sera là pour rester. Réussira-t-il à sortir de son enfer de jeu de mots? La réponse plus tard, à Assemblage requis, un malaise si proche. C'est beau. Il s'agit de la lumière. Je dois pas le dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui rive. Toi amoureuse me ferait une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi les mains. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfui au fond de ma couchette et de te prendre en voiture. Le gars, où? Et t'as emmené. Moment de nostalgie, émotion. Et t'as emmené un satellite où tu me. Eh oui, parce qu'à un moment donné, faut bien que je me la tape quand même, hein. Assemblage requis, un malaise si proche. À l'automne 2010, Assemblage requis change complètement de formule et passe de l'après-midi au matin. Elle accueille aussi un nouveau co-animateur, François-Olivier Marchand, qui avait déjà de l'expérience en tant qu'animateur de l'Alternative et des Pétus de Brou. Contrairement à Kiwan, François-Olivier est une des rares personnes capables d'endurer Mathieu Plante pendant plus d'une année scolaire. Parmi les chroniqueurs qui se sont ajoutés pendant l'année, Alexandre Delage avec une chronique musicale « Les Boulamites » et Marie-Pierre Laforge-Bourret avec une chronique littéraire. Ben voyons donc, Matt, qu'est-ce que tu fais là? Là, je marche de reculons. Ah non, ça, écoute, je l'ai remarqué, là, mais qu'est-ce que tu fais en marchant de reculons? Ben là, j'ai entendu dire qu'Assemblage requis reculait, fait que je pensais que c'était une nouvelle mode, là, comme la Macarena pis le Breaky Dance, là. C'est ça qu'appelle le crump. Assemblage requis, maintenant l'émission matinale, en pièces détachées. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Les coups de cœur de Stéphanie Gagné dans ton plat favori. Survol des gadgets pour la chronique CNX. C'est à Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 7h14 et mon nom est Mathieu Plante. Mon nom est François-Olivier Marchand. Salut François-Olivier Marchand. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, nouvelle émission matinale, c'est fou. Oui, nouvelle émission matinale, mais pas nouvelle émission, parce que nous, changé de peau comme un serpent change de bobette à tous les jours. Mathieu Plante a reculé, en fait, pour ceux qui le savent pas. C'est du crunk. C'est du crump. Crump, tu t'appelles ça du crump? Du crump. Ouais, j'avais entendu crunk, mais OK. Non, c'est non. Du crump. Ah, ben quand même, la danse, hein. Je n'ai pas cette fièvre. J'ai la fièvre de me lever tôt avec oui. Toi. Oui. Matin, notre premier matin, en fait, on se lève de bonne heure. Oui. On est venu faire de la radio main dans la main. avec la joie dans nos cœurs. Donc, ça s'est bien passé ce matin. Ouais. Pour moi, je parle pour moi. Ben, c'est ça. Mettons que se lever le matin, ce que ça a de différent, c'est que là, tu prévois tout. Tu sais, tu te dis, bon, je vais me lever le matin, donc il faut que je sois en forme. Donc, je vais tout faire pour être en forme. Puis là, évidemment, à la fin, t'arrives, ah, je trouve pas mes clés. Hein. Et... Ouais. C'est difficile. Ouais, un moment donné, j'ai même pensé, ça y est, je vais m'en aller, je vais la faire tout seul. Je vais laisser Mathieu essayer de trouver ses clés. Ah, enfin en vacances. Puis dire qu'on recommence avec le 10 janvier. Dude, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'essaie de rendre hommage à tous nos chroniqueurs. Moi, je les ai toutes faites en sculpture de sable. Il y a Audrey, Alex, Maxime, Émilie, Stéphanie, Simon, François, Kiwan. Check ça, je nous ai faites, nous autres. Wow! Bouge pas! Qu'est-ce qu'il y a? Toujours rêvé de masser sur ta face. Prenez une patate. Une petite tape et voilà des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi. Wow, là, il a fallu que je lâche ma job. Hey, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis disponible pour l'écouter, hein? Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de deux heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Pour l'été 2011, la tradition se poursuit. Assemblage requis et les palmarès fous fusionnent de nouveau, cette fois pour créer la ville croisière d'Assemblage requis. François-Olivier prenant congé d'été, Mathieu repêche la chroniqueuse littéraire Marie-Pierre Laforge-Bourret comme co-animatrice. Parmi les nouveautés, la chronique culturelle de Myriam Fugère. Hey Marie-Pierre, on a reçu une lettre! Oh, ça vient de C'est fou! Pour vous récompenser pour votre beau travail, C'est fou est heureuse de vous offrir une croisière autour du monde. Oh! Ah, attends, il y a des petits caractères. Cette offre n'est valide que les jeudi après-midi, hein? Quand j'aurais dû y penser. Juste comme ça, est-ce que c'est moi qui pense tout ou le concept de croisière tient pas du tout? Personne ne va se rendre compte de ça, voyons là. D'assemblage requis. On embarque en croisière pour l'été, on amène nos chroniqueurs, on aura des chroniques musicales, sportives et culturelles, alors on lève l'ancre maintenant! Bonjour et bienvenue à la première estivale de la vie de croisière d'Assemblage requis. On est en direct des studios dans le bateau de C'est fou, le SS requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Yeah! Bonjour, bienvenue. Mais merci. Merci d'animer l'émission avec moi tout l'été, comme ça. On va s'amuser pendant 4 heures sur un bateau avec nos chaises longues. Écoute, moi, j'aime ça à leur bateau. Fait que... Ouais, t'as pas le mal de mer? Non, pas du tout. J'espère que les gens à la maison, le son de la mer ne leur donne pas le mal de mer parce que sinon, ce sera pas beau par terre. Parce qu'on va l'entendre souvent, le bruit de la mer en arrière. Parce qu'on est sur un bateau! C'est normal? Oui! Il a l'air vrai à notre bateau, quand même! N'étant pas impressionné par la douteuse manière de parlage de Mathieu, Marie-Pierre Laforge-Bourret retourne terminer sa maîtrise en lettres. À l'automne 2011, Assemblage Requis revient à sa formule habituelle. Un vent de nouveauté frappe du côté des chroniqueurs. David Ferron avec la chronique « Francophile, graines de pivot », maintenant la langue dans ton oreille. Xavier Antoor avec « Tais-toi et cuisine », chronique sur le thé. Nicolas Ducharme avec « Du charme et du sport », une chronique sur les sports. Jasmine Raymond-Dréville, d'abord avec une chronique linguistique, puis avec ses coups de cœur « Les comptines de Jasmine ». Elle fait maintenant la chronique « AGEQTR ». Et Anne-Julie Durocher, d'abord chroniqueuse AGEQTR, maintenant chroniqueuse coup de cœur avec l'Index. Yo, bro, man, dude, t'as donc ben une belle stache. Ah ben, merci, tu devrais voir ma prostate. Fait que toi, plan, participes-tu au Movember cette année? Elle ferait bien, mais je suis pas ben velu de la face, t'sais. Et tu dois me tailler une moustache à la cuisse, tu penses? Écoute, je sais pas, remonte donc tes pantalons, s'il te plaît. À l'été 2012, la formule de la vie de croisière d'Assemblage Requis revient. Cette fois-ci avec Jasmine Raymond-Drainville pour quelques semaines et finalement Alexandra Carignan qui reste pour une grande partie de l'été. Parmi les nouveautés cette fois-ci, Mathieu Roy avec une chronique nautique. Alexandra Carignan avec ses Lady du jour, une chronique sur les femmes importantes de l'histoire. Et les transfuges des palmarès c'est fou. Justine Renaud avec Lesbéton, chronique lesbienne. Et DJ Catardi avec une chronique de découverte musicale. Sur le bateau que c'est fou nous a loué pour l'été. Je peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus à animer une émission. Je suis le roi du monde! Ok, j'ai la feuille du poule. Qui avait dit que Mathieu dirait ça en dedans de 2 minutes? C'est moi. Bravo François, 1 point pour toi. Hey! Peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? Il est où l'iceberg pendant qu'il est sur la boue, lui? Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'Assemblage Requis pour la semaine du 11 juin 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Hey! Alexandra Carignan, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis la nouvelle co-animatrice à cette magnifique émission. Hey, c'est-tu pas merveilleux si on pourrait t'appeler la nouvelle matelote? Je pourrais être la nouvelle matelote. C'est le féminin de matelot. Croyez-le ou non, ça se dit. J'ai vérifié. Pour de vrai? C'est vrai. Mais je suis une matelote en bonne et due forme. Alexandra Carignan, étudiante à la maîtrise en histoire, trouve Mathieu beaucoup trop avant-gardiste dans son humour et préfère laisser sa place jusqu'à ce qu'il soit tellement avant-gardiste qu'il en devienne rétro-chic. Automne 2012. Ben là, on est rendu là, franchement. Mathieu Plante aura appris qu'on ne lésine jamais sur un malaise si proche. Ah, on remercie évidemment les gens du canal d'avoir produit cette merveilleuse pièce d'anthologie sur l'historique d'Assemblage Requis. Là, vous n'aurez plus de matériel pour demain. Ah, demain, c'est parce qu'on a une émission tellement chargée que ça ne rentrait pas. On a des petites flûtes, là, puis on fait plus ça. Il va être le fun! Évidemment, 5 centimes émission d'Assemblage Requis qui est demain. Aujourd'hui, c'est la 499e.